s'habille comme lui, d'un pantalon, d'un blouson. Quand on les rencontre la nuit, on dirait deux garçons. Leur visage paraît masqué, comment deviner qu'ils s'aiment? Ils ont des jeux dangereux, c'est là qu'ils trouvent leur joie. C'est le temps des n'importe quoi, à jetant et tête de bois. Ils ne se sont jamais dit le plus petit mot d'amour. Ils se baladent dans la vie en copains de toujours. Ils trouvent que c'est démodé de se l'avouer qu'ils s'aiment. Ils ont des jeux de gamins, mais leur cœur est déjà loin. C'est le temps des n'importe quoi, à jeux tendres et têtes de bois. Quand ils sortent du ciné, ils s'en vont boire un coca. Et comme des habitués, ils écoutent la machine qui fait. Ils se jettent dans la nuit en écrasant les chemins. À grands coups de phare et de bruit, la nuit leur appartient. Retrouvent le jour, leur ciel est toujours le même. C'est parce qu'ils n'ont presque rien qu'ils voudraient tout à la fois. C'est le temps des n'importe quoi, à jeux tendres et têtes de bois. Ils vont tous les jours au cinéma. Quand ils sortent du ciné, ils s'en vont boire un coca. Et comme des habitués, ils écoutent la machine qui fait. Elle s'habille comme lui, d'un pantalon, d'un blouson. Quand on les rencontre la nuit, on dirait deux garçons. Leur visage paraît. C'est là qu'ils trouvent leur joie. C'est le temps des n'importe quoi, à jeux tendres et têtes de bois. C'est le temps des n'importe quoi, à jeux tendres et têtes de bois.